assis sur le côté. Ma tête dure rampait encore au pavé lustré. Je le savais. Me faisait mal aux pieds. Mes mains si sûres creusaient encore vers la liberté. Quand ils ont tiré, s'est effondré au bord du fossé. Je...